Tu rappelles ton alliance oubliée. Tu redis ton nom au cœur brisé. Tu parles d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tu annonces que leurs chaînes vont tomber. Tu dis, je vous prendrai pour mon peuple. Tu promets un bras étendu de feu. Et la délivrance prend forme dans tes paroles. Avant même de se voir dans les yeux, ta promesse précède toujours l'événement. Tu es l'Éternel qui délivre, celui qui tient sa parole encore. Quand nos forces éteignent dans les chaînes, ton bras demeure plus fort. Tu es l'Éternel qui délivre, et ton nom se lève à nouveau. Même quand nos cœurs sont trop brisés pour croire encore à ton flambeau. Mais le peuple épuisé n'écoute plus. La douleur ferme les oreilles. Et Moïse doute encore devant toi, malgré ta fidélité. Pareil au soleil, tu rappelles les générations par leur nom. Tu engages l'histoire dans la mémoire, car la promesse se transmet aussi quand la patience devient trop noire. L'Éternel qui délivre, celui qui tient sa parole encore. Quand nos forces éteignent dans les chaînes, ton bras demeure plus fort. Tu es l'Éternel qui délivre, et ton nom se lève à nouveau. Même quand nos cœurs sont trop brisés pour croire encore à ton flambeau. Plus fort que nos chaînes.